Hier, Sauron. Denel Toro 3 tours. CV, SPR. Du 9 ans au 9-3. Côté Mexico. Fais ce qu'il a mort ou la prison. Hey, hey. Fais ce qu'il a mort ou la prison. Hey. Allô? La T. Allô? L'année prochaine. C'est là. On s'était dit à l'année prochaine, sans savoir qui sera le prochain. On a vu la mort s'approcher. J'ai perdu du temps, la daronne me l'a reproché. Règlement de compte pour des hasbas à poteaux d'enfance. La cité nous bousille sur la route de la paix. Les refrains n'ont pas mis d'essence. Donc ils font un demi, dommage collatéraux. Hommage au refrain est parti. Une daronne en repleu, une daronne à rifler au parloir. Et les conséquences pire que la raison. Des balais, des corps sur le sol. Encore un humain au ciel, ça m'arrive de pleurer aussi. Ces gros bâtards ont le seum gris sur la taille, je vais réussir. Et le temps passe, qu'est-ce que tu deviens? J'ai quitté le raté, ça me rendait fou. Des victoires et bâtiments on défend. Avec la mort on a tous rendez fous. Un frérot qui béton, un autre qui sort. La prison c'est la guerre, y'en a qui sert. À la cité que des histoires bizarres, à la base on voulait que baiser. Et moi j'ai mal, maman, est-ce que c'est normal? Énorme coup pas, j'suis dans le noir. Souvent j'endors mal, quand j'vois tout ça j'ai mal, maman. Est-ce que c'est normal? Énorme coup pas, j'suis dans le noir. Souvent j'endors mal. J'ai grandi, j'ai pris mes dictons. Est-ce qu'il y a la mort ou la prison? J'ai plus grave, j'ai pas eu trop de chance. Mais la daronne avait raison. On se rappelle, on part en vacances. Est-ce qu'il y a la mort ou la prison? Est-ce qu'il y a la mort ou la prison? Est-ce qu'il y a la mort ou la prison? J'ai grandi, j'ai pris mes dictons. Est-ce qu'il y a la mort ou la prison? J'ai plus grave, j'ai pas eu trop de chance. Mais la daronne avait raison. Grosse Rolex et je suis en avant. Est-ce qu'il y a la mort ou la prison? Est-ce qu'il y a la mort ou la prison? Est-ce qu'il y a la mort ou la prison? J'ai vu les épisodes. Du poison dans le bisap, les frérots sont bizarres. Dehors c'est la guerre encore, tu pourras dire qu'on a la guille. Des balles pour écourter la vie. La plante a fleuri sur la tombe de l'homme qui était fier. Il veut gâcher sa vie, il se dit qu'il a plus rien à perdre. Une daronne en pleure au parloir, une daronne en pleure à la mort. Ça fait trop mal si c'est la même, j'ai perdu du temps à fleuri. Et sans le peur, je serais déjà mort, sort de ce point je suis déterré. Bon bah je te dépose, change pas ta dépôt. J'ai vécu des galères, j'en oublie mon départ. Ico du ghetto, j'ai vendu du bédo. Volé des motos, braqué au métal. Des fois j'ai peur de rire, un mal ça cache un bien. J'ai pauvre, si tu me donnes un, faut que je te rende trois. On était petits, on dormait collés dans l'étage. On a grandi, on a tout fini en cage. Hey, faut que je m'évade au télon avant de leur faire quelque chose. À visser les pénons, si tu loupes tes peines. J'oublie pas les loupes, à ville pantalon et le feu. C'est que des trompettes, les paris font pas. J'ai grandi, j'ai pris mes dictons. J'ai plus grave, j'ai pas eu trop.